Oui, Monsieur Bruno, Monsieur B, ce soir, avec Michel Bilodeau, c'est Terre Incognita. Oui, votre rendez-vous hebdomadaire, le Bruno, je pense que je vous parle, puis il est en train d'essayer d'améliorer le système d'éclairage. C'est en direct. On y va donc ce soir avec deux bonnes heures de rock progressif et on a une petite... C'est plus qu'une nouveauté, je vous dirais, parce que c'est un avant-goût, en fait, du prochain disque de Galahad, qui doit, selon mes dernières informations, je pense qu'il devrait être disponible d'ici 3 semaines. Selon le chanteur Stu Nicholson, ce serait un disque qui serait constitué d'une seule pièce de 43 ou 44 minutes. Et il a préparé, comme on dit en bon anglais, un edit d'une pièce, d'une partie de la pièce. C'est ce qu'on va écouter comme avant-goût de cet album. Et puis, je l'ai écouté peut-être une dizaine de fois, j'ai l'impression qu'il retourne un peu au son des années 90, avec un peu dans le style de Sleepers. Je vous laisse juger. Je ne sais pas si l'album va être de la même trempe, mais pour le peu qu'on a pour le moment, c'est ce que ça me donne comme impression. C'est qu'on y va avec Galahad, d'un prochain album qui doit paraître en janvier. up in the smoke. Oops, it seems the politics is broke. All the leavers have left, and the remainers are all in a tiz. What on earth is going on in the hallowed corridors of Westminster? Said, ignore their needs. listen to the words that my eyes can say. Now listen to my breath, to my silent verses today. To flux overseas, our voices are still waving. A mirage in the desert of this happy ending. I saw merchants of lies, not dreaming anymore. Waiting all the life for the river of a sundown. As children of a miracle, stumbling on a fairy tale. With the hair in the wind of a vertigo of pain, you will remember me. Inside the midnight shakes, and you will come for me. If I am too inside the stations, or the siren on the dark sides. I will be in you, my friend. Keep the promises we made. When it light the courage for the face we can change, you will remember me inside the sandy absence, and you will come. In all the chains of distance, the poison I will pay, the blood gone in the skies. We are just the story of a book to the final page. If you will look for me beyond these hours. Le temps des fêtes et ses traditions. La famille, l'accordéon de mon oncle Pierre, les cadeaux qui te font dire « Ah, t'aurais pas dû », puis les autres qui te font dire « Ah, t'aurais pas dû ». Mon oncle Pierre, plus tard en soirée. Et depuis 1984, il y a nous, l'Opération Nez Rouge, un classique du temps des fêtes. Cette année encore, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge au 1-866-DESJARDINS. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. CKRL 89.1, Québec. De retour. On va jeter un petit coup d'œil en arrière. Il y avait Magic Bus, Philip the Egg, la pièce Fading Light. Ça nous venait de Norvège, Glutton. Le disque a pour titre Outliers. Et je pense que c'est leur premier essai, c'est norvégien. On avait avant le Riccardo Romano Land, qui est le clavieriste d'un groupe italien qui a pour nom Ran Strain. Et qui est aussi claviériste du Steve Rotary Band. Donc, et d'ailleurs, vous avez remarqué probablement que c'est Steve Hogarth qui chante et la guitare, mais vous devinez c'est qui. C'est un disque qui vient de paraître en Italie. C'est, je pense que on doit le dire en anglais, quoique c'est inspiré du livre de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, donc B612, ça c'est le titre de l'album, et l'auteur, qui est le claviériste italien, Riccardo Romano Land. On revient en Norvège avec je vous avoue que je déteste le nom de ce groupe, mais ils font tellement des bons disques que bon, Professeur Tip Top, pourquoi avoir choisi ce nom? J'arrive pas encore à comprendre après deux disques. Professeur Tip Top, donc Life is No Matter. Les disques sont bons par contre. I Am a Dreamer, ça c'était la pièce. Et on avait donné le coup d'envoi ce soir avec Galahad d'un disque à venir qui aura pour titre Seas of Change. C'était la pièce Smoke, mais en fait c'était une des sections de la pièce. De l'album, parce que selon ce que Stu Nicholson m'a dit, c'est que le prochain Galahad ne serait constitué que d'une seule pièce. Donc c'est un morceau de cette pièce qui a pour titre Smoke. Donc Galahad, je pense que c'est dans deux ou trois semaines, Seas of Change. Et ça annonce, si on se fie à ce qu'on a entendu, ça annonce un retour un peu dans la veine Sleepers. Mais ça, évidemment, c'est seulement une pièce, on ne peut pas juger. Et puis, ben, on va probablement vous en faire passer d'autres là, dans les semaines à venir. Galahad, Seas of Change. Bon, on va aller faire un petit tour du côté de la Norvège encore avec un groupe qu'on a eu l'occasion de recevoir, mon Dieu, il y a plusieurs années, Arabs in Aspic, de leur plus récent Sindones Magi. Et on y va avec la deuxième pièce de l'album, qui je pense que c'est Morkentu, si je suis capable de, si je peux me relire, mais il me semble que c'est ça. Et c'est sorti il y a peut-être un mois. Donc, Arab in Aspic. Thank you.

you, although I never understood. Another dream of you, would I help it if I could? In the blur of whitewashed senses, underneath a bored out sky, in the starlight's crackling self-schemes, in the cold sweat of decline, I'm walking home to you. The moon or the sun just shines in my dark. Your dreams are my bedside table, your thoughts in my sight. This is all that I can say. In the silence of disaster, I am not the same again. I am not the same again. I am not the same again. I am not the same again. I am not the same again. I have to kill you. We'll be right back. with your tears rolling down. You know that you're the fool who wears the crown. Your pain. Land. Oh, today, up the world. Brandish the swords in a magic word. It's time to find a new core. Audiolite, amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact de cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et image. Audiolite.qc.ca. C'est KRL. Tout sera anormal. En ne regrettant rien, on sortira du mal. Qu'on n'est pas comédien. Et on trouvera ça très bien. Et on trouvera ça très bien. Et nous voilà de retour. Et ce qui a joué tout juste avant la pause, c'était... Ben en fait, là, je vais le prononcer en anglais parce qu'il travaille en anglais, mais c'est un compositeur français, Alan Simon, de son album Excalibur 4, qui vient de paraître. Opéra rock celtique, je pense qu'on peut résumer ça, avec beaucoup, beaucoup d'invités, dont... Martin Barr de Jethro Tull, il y a Michael Sadler de Saga, John Helliwell de Supertramp, et pour la pièce qu'on a écoutée, il y a aussi Bernie Shaw, le chanteur du Rhea Heep, qui incidemment sera à Québec le 9 février au Palais Montcalm. Et écoutez, ben, sur cette même pièce-là, il y a aussi Martin Barr de Jethro Tull. Donc, beaucoup d'invités, et puis... ce que vous avez entendu, c'est pas mal dans les mêmes eaux. Là, un peu, il y a toujours une couleur celtique au rock. Et puis, très intéressant, finalement, le sous-titre, c'est The Dark Age of the Dragon. Donc, Excalibur 4 par Alan Simon. Il y avait tout juste avant Dave Kirzner, de son plus récent Static. Cloud Scan, ça nous vient d'Allemagne. C'est le projet de deux musiciens allemands, dont un multi-instrumentiste qui nous a livré peut-être 4 ou 5 albums solo sous le nom de T. Et puis, on a amorcé avec Arab in Aspic, Sindanes Maggie, de leur plus récent. Oui, exactement. On continue donc en musique avec... ça nous vient encore de Norvège, et puis c'est mon coup de cœur depuis un bon bout. Wobbler, le plus récent, From Silence to Somewhere. Et vraiment, ils n'en sortent pas beaucoup, mais quand ils sortent un album, c'est généralement, ça se retrouve dans les meilleurs albums de l'année à chaque fois. Et ça, cette année, ça ne fera pas exception. Il est vraiment bon, From Silence to Somewhere. Et j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le claviériste et il m'a dit qu'il avait assez de matériel pour pouvoir rentrer en studio bientôt pour un nouvel album. Évidemment, il ne m'a pas donné de date de parution, mais le matériel serait déjà composé. Donc, à suivre, comme on dit, on va peut-être avoir des nouvelles de Wobbler plus tôt qu'on pense. Donc, on y va avec ce merveilleux disque « From Silence to Somewhere ». Yeah.

lights a little higher. Sleeping from the thermosphere. 1 feet per second, 5 feet per second now. 3 feet per second. Your smile elliptical as daydreams, but then these feelings go and interfere. Thank you. and see what you once left behind. It appears it got broken. One mistake made, not yours and not mine. Still you learn what you woken to. Finding fear is the ultimate hope. I just know you are learning. Jack the car, but you all missed the boat. And the mountain you're climbing is sky CKRL. Québec. Michel et Bruno, dernière demi-heure. Mais avant, on va quand même jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Il y avait Professeur Tip Top, encore, oui, de l'album Life is No Matter. Je pense que certains auront peut-être décelé l'emprunt à Pink Floyd de Echoes. Ils s'amusent souvent, les gars. L'album précédent, il y avait des citations un peu comme ça là, de Yes et de d'autres groupes. Ils s'amusent pas mal. Aller comme cacher des indices un peu partout dans l'album. Celui-ci, moins, mais ça, c'était flagrant. Là. Avant tout, on avait When Mary de l'album Tainted qui vient de sortir là, en Norvège. C'est en fait When Mary, c'est le groupe de l'ancienne chanteuse de White Willow. C'est elle qui chantait ça, Signal to Noise, Truth. Ben là, j'espère que je le prononce, en tout cas, de toute façon. Et pas là pour m'entendre, donc Trude Edgan, Ed Tang. Bruno, tu peux bien rigoler. Et puis avant, on avait d'Australie, SJS, de l'album Word Without. Et on avait donné le coup d'envoi avec Wobbler, qui va être probablement un de mes albums les 10 premières positions des albums de 2017, From Silence to Somewhere, la pièce Foxlight. Dernière demi-heure, comme je disais tantôt, on va aller faire un tour du côté de la France avec The Black Noodle Project. Et il nous reste encore quand même une bonne demi-heure de musique, de rester des notes, et après ça, c'est l'autoroute. Very good at this business because I make all the rules. You will have no future contact with the outside world. No visitors, no phone calls, no letters. For all intents and purposes, you're dead. But if you break any of my rules, you'll find that there is life after death. Very painful life. Was there anything you wanted to add? Don't ever turn your back on me again. Changes.